Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. À toi, Seigneur. Oui, tu as plein pouvoir au ciel, sur la terre et sous la terre. Comme un peuple que si tu ne gouvernes tu pas. Répandais ta pluie, nos vies ne pourront que dire tes louanges et tes merveilles. Visite-nous, oh, Dieu de gloire. femme t'aime.